Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. On va parler des capitales de Québec. La nouvelle a été annoncée la semaine dernière, mais j'ai essayé de lui parler. Mais là, on lui parle. Il se trouve à New York, justement, à la réunion de la Ligue Frontier. Le président des capitales de Québec, Michel Laplante, puisqu'on a annoncé une fusion entre la CANAM et la Ligue Frontier. Et on va parler avec Michel Laplante à quoi ça retourne. Salut, Michel! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Michel, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vais être honnête avec toi. On n'a pas beaucoup de temps de suivre tous les sports, sauf que je pense que les capitales de Québec vont prendre beaucoup, beaucoup de crédibilité en jouant dans une ligue à 14-15 équipes au lieu d'une ligue à 6 équipes. Oui, complètement. Puis c'était notre souhait. Je veux dire, c'est toujours un peu dangereux de passer sous la barre là, des 8 équipes. On l'a déjà eu là dans le début là, des années 2010-2011, même plus un petit peu avant ça, on a joué jusqu'à 8, jusqu'à 10 équipes. Ensuite de ça, il y a eu de la difficulté, on est tombé à 4-5. Mm. Remontons, on avait les séries internationales, mais je pense que ça fait longtemps qu'on souhaitait unir deux ligues, que ce soit avec l'American Association, qu'on a fait des échanges pendant quelques années là, où on jouait des matchs intra-ligues. Mais là, de faire cette fusion-là, est-ce qu'on est vraiment 14 marchés? Et quand on regarde sur la map, là, l'étendue géographique de tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour la visibilité pour la ville, l'effet qu'on va recevoir 11 différents marchés cette année à Québec, tout ça, là, fait que c'est solide. Puis, ça a un impact sur les prochaines villes qui vont faire des demandes pour s'ajouter. On le sent. Depuis seulement là, 4-5 jours, il y a eu des appels là, à la Ligue là, qui disent « Écoute, là, on a vu ça passer. Là, vous allez passer à côté de chez nous. On est une ville de 150-200 000 habitants. On aimerait ça embarquer comme on fait. » Okay. C'est le fun. Mais concrètement, c'est-tu 14 marchés solides ou il y a des marchés qui boitent un peu? Parce que dans la Ligue CANAM, s'il y avait des marchés qui boitaient un peu, là, est-ce que ces 14 des franchises, est-ce qu'ils sont tous solides la plupart? Ben, honnêtement, il n'y a pas grand ligue où il n'y a pas marché boiteux, en fait. Là. Ouais. Il faut faire attention quand on parle de marché boiteux. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est boiteux? Est-ce que c'est parce qu'il y a un bail avec la ville qui est sur le bord de se terminer? Est-ce que c'est parce qu'il y a un propriétaire qui n'a pas les moyens financiers de soutenir les pertes? Est-ce que c'est parce qu'il y a des partisans qui n'appuient pas, donc les foules sont basses? Donc, il y a des fois un marché qui peut paraître boiteux parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde investable. Il y a un propriétaire tellement solide que lui, il fait pour la communauté. Ouais. Puis il sait qu'il va avoir des années plus difficiles. Fait que des fois, il n'est pas en péril. On le voit au niveau de la Ligue nationale de hockey où il y a des marchés qu'il n'y a pas grand monde investable, mais le propriétaire, il s'en fout que l'équipe va rester parce qu'il est plein. Il y en a qui ont du monde beaucoup plus, mais que les pertes sont juste assez élevées pour ébranler le propriétaire. Donc, faut être prudent là-dedans. Je regarde la situation comme avec New Jersey puis Sussex. Mais le propriétaire est bien en scène. Puis oui, il y a des matchs qui a 800 personnes, mais il y a des matchs qui a 4000 personnes parce que c'est un vendredi soir puis tout ça. Puis lui, il veut garder ça en ville. Puis il n'est pas ébranlé du tout parce qu'il y a moyen financier pour le supporter. Donc, je veux dire, c'est très difficile pour moi à ce moment-ci de dire « Ah, lui, il a l'air en difficulté ou lui, il ne l'est pas. » Je veux dire, ça, c'est très dur à voir. Donc, je ne peux pas avoir comme repère les foules qu'il y a au match. Okay. C'est des villes que je ne connais pas, que je suis en train de découvrir. J'étais à Pittsburgh, ou en banlieue, c'est Washington, Pennsylvanie. Donc, pas Washington, D.C., mais Washington, Pennsylvanie. Et c'est des marchés qu'on ignore complètement, mais tu es à 20 minutes de la banlieue de Pittsburgh, l'autre est dans Cincinnati, l'autre est à Saint-Louis. Donc, c'est des équipes qui portent pas le nom de Saint-Louis ou Cincinnati, mais c'est des villes à l'intérieur, un peu comme si à Québec, on jouait à Vanier, on jouait à Sainte-Foy. Ben, les gens pensent que c'est des petits marchés, mais quand tu es dans le centre d'une ville, si on vous joue à Schaumburg, en Illinois, bon, tu es carrément dans Chicago, juste un peu en banlieue. ben c'est énorme les possibilités qu'il y a là. OK. Dis-moi, concrètement pour les capitales, ça veut c'est 96 matchs en tout et partout. Est-ce que ça va changer la donne? Ça va le budget va-tu augmenter? J'imagine que le budget va augmenter pour différentes raisons. Donc le voyagement le beaucoup. Comité ou le voyagement, le comité de ligue qui est plus solide. Donc c'est un souhait d'ailleurs de tous les propriétaires d'avoir de dépenser un peu plus pour avoir des chances d'avoir plus de revenus. On joue quand même à 14, donc ça prend un peu plus qu'est-ce qu'on avait avant. Puis on est tous un peu d'accord avec tout ça. Le voyagement, c'est un autre facteur. Mais en même temps, en tout cas pour les capitales de Québec, la réponse qu'on a des fans, la réponse qu'on a de la ville de Québec, puis avec ce que ça apporte avec la Ligue, puisqu'on a eu comme réponse depuis l'annonce, ben, le 30, 40, 50 000 de surplus pour avoir ce plus-là pour nous, il en valait vraiment la peine. Faut-tu s'attendre à une augmentation des coûts de billets, justement, à cause de ça? Ben, notre augmentation de billets a suivi l'augmentation du coût de vie depuis 10 ans. Donc, à tous les deux ans, on monte de 50 cents ou 1 $. On a fait de contrat dans les concessions. Dans les concessions, ouais. On a baissé de 25 à 30 % l'an passé. Mais on vient toujours suivre l'inflation et ce qui se passe un peu. Donc, il y a peut-être une partie du billet qui monte, pas l'autre. Donc, on regarde tout ça ensemble. Puis dans les deux prochains mois, on va sortir tout ça. Michel, il y a 38 joueurs qui est de la Ligue Frontier qui ont atteint les ligues majeures. C'est quand même pas mal. La Ligue a 38 ans, donc c'est, je pense, si j'ai regardé... 28 ans, oui. 28 ans, donc c'est plus qu'un joueur par année, l'équivalent. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Là. Ben, c'est pas le même mindset tout à fait qu'on avait. La moyenne d'âge dans notre ligue, on avait quand même, surtout dans notre équipe, les capitales, l'an passé, je pense qu'on avait au-dessus de 27 ans ou 28 ans d'âge moyen. On va retrouver des équipes de l'autre côté qui ont plus 23, 24 ans. Okay. Le joueur qui vient d'être coupé du offer des Reds de Cincinnati avait tendance à 23, 24 ans de se faire dire par son agent, va dans Frontier, tu vas avoir plus de visibilité, puis les dépisteurs savent que c'est là que les joueurs qui veulent retourner en visiteur d'affilié vont. C'est pas tout à fait comme ça qu'on faisait notre marketing ou qu'on ciblait dans la CANAM. La CANAM, on avait plus de joueurs plus vieux. Est-ce que le produit est meilleur, je veux dire, dépendamment de la vision que tu as du baseball. Puis c'est exactement le même argument que tu as entre le 3A et le 2A aux États-Unis. Le 3A est une ligue où il y a des joueurs qui ont joué des majeurs qui reviennent un peu plus vieux. Le gars qui est un peu plus vieux va avoir tendance, après avoir frappé un roulant au deuxième but, de jogger vers le premier parce que son pourcentage d'être sauf de toute façon fait qu'il est en économie d'énergie. Le jeune de 23-24 ans, mais il se dit toujours, il y a peut-être un dépisteur dans les estrades, puis il court après tout. Ouais. Il dit peut-être qu'il n'a qu'un chronomètre, tout ça. Fait que c'est vraiment différent dans la façon de jouer, dans la façon de faire. Est-ce qu'il y a un produit qui est mieux que l'autre? Je sais pas. Ben, je veux dire, moi, il y a des fois qu'un joueur de 32, 33 ans qu'on avait avec les capitales décide de faire une course à vitesse moyenne pour aller au premier but, ben j'entendais des huées. Par contre, le vétéran qui frappe une balle au champ posé à 380 pieds, ben quelqu'un qui connaît un peu le baseball, il dit ce qu'il vient de faire là, c'est difficile à faire. Donc il y a toujours selon l'âge des plus et des moins dans tout ça. Okay. Le jeune joueur a tendance à être dans le tapis tout le long, à toutes les games pendant toute la saison. Donc, T'es pas sans savoir, Michel, qu'il y a vraiment actuellement, il y a une réforme du baseball mineur. On veut passer de 160 à 120 équipes dans le baseball mineur. C'est probablement que ça va être négocié lors de la prochaine convention collective. Ça va refouler dans le baseball indépendant, ça, les joueurs. Ben, écoutez, il y a plein de façons de voir tout ça. Ouais. Ce qui est drôle du baseball majeur, c'est que on dit on est tanné d'avoir 6 équipes, ça nous coûte cher. Mm. Ben, 6 équipes pour le baseball majeur, ça coûte à peu près 1,5 à 1,8 millions. Et Harper coûte 40 millions à lui seul. C'est ça que c'est comme. C'est assez spécial à quel endroit on veut couper. Et comment on n'a pas peur d'offrir un contrat de 400 millions à un joueur de balle? On le signe pour 9 ans, en sachant bien que les 2-3 dernières années, ça se peut qu'il nous rapporte pas, puis il reste chez eux, on lui donne 35-40 millions par année, puis il n'y a pas de problème. T'sais, Russell Martin, cette année, était un backup receveur et qui faisait 20 millions par année. Donc, on entend les mêmes propriétaires dire, écoutez, le per diem par jour, on aimerait le passer de 22 à 21 pour sauver des sous. Donc, c'est tout ce langage-là, pour moi, est un peu spécial. Et tu sais que les joueurs sont sous-payés, hein? C'est ridicule dans le baseball mineur. Il faut être 3 puis 4 pour... Le gars qui n'a pas signé un bonboni à la signature de son contrat, il crève de faim. Je suis pas sûr que... Moi, je me rappelle Abraham Toro l'an passé, j'avais fait une entrevue avec, puis là, il est des majeurs, il va être correct, mais il n'y avait pas de cellulaire. Donc, écoute, j'ai fait ça pendant 8 ans, mineur, où t'as pas une scène, puis quand t'as un spécial sur le Subway à 12 pouces, ben tu le coupes en deux, puis tu prends l'autre moitié le lendemain. C'est très, très, très... c'est très spécial, cette division-là. Maintenant, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'une équipe du baseball majeur aurait 6 équipes. On regarde dans les autres sports, les autres sports, t'as pas 6 équipes affiliées. Le Canadien de Montréal a Laval, t'en as pas 3 autres en tour, puis au football, c'est la même chose. Je comprends tout ça, c'est juste que le baseball est un marché qui est différent. Mais l'évaluation qu'ils en font, c'est, je pense, qui évalue à 3 joueurs seulement par repêchage qui atteignent le baseball majeur, donc pourquoi avoir 6 équipes? C'est un petit peu comme ça qu'ils pensent. Maintenant, est-ce que d'enlever 40 équipes... Ça va refouler. Oui, ça peut être bon pour nous, mais pour eux, d'enlever 40 équipes dans des villes de 100 à 400 000 habitants aux États-Unis, alors que tu veux promouvoir le baseball, est-ce que c'est un bon geste? Est-ce qu'ils se servent simplement de tout ça pour négocier avec l'entente de chacune des villes? Fait qu'on avait ce sujet-là aujourd'hui, on a jasé pour à peu près 3 quarts d'heure de temps, puis on sait pas où ce qui va avec ça. Mais ça va refouler, ça risque de refouler dans le baseball indépendant, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, dans les ligues indépendantes. Là. Les joueurs qui vont être coupés, ça va s'en aller dans le baseball indépendant, là, puis ça va améliorer le calibre, moi je pense, en tout cas. Oui, puis pourquoi est-ce que une équipe du baseball majeur dépenserait à entretenir du baseball affilié quand ils peuvent venir piger directement chez nous, à Trois-Rivières, un peu partout, pour venir chercher un joueur qui va bien? Donc, c'est un autre des points dans leur débat. OK. Michel, donc, faut que je te parle de... On s'est parlé en dehors des ondes hier, tu as dit notre concession, notre ligue, ce sera pas 15, ça va être 20 équipes qui vont être dans 2 ans. Est-ce que Montréal, c'est sûr qu'il n'y a pas de stade encore, mais c'est un peu pathétique un peu là, quand tu dis ça, là. Mais en banlieue de Montréal, est-ce que c'est encore dans les possibilités? Complètement, de plus en plus avec ce qu'on fait à Québec. Puis je voudrais que ce qu'on fait à Québec est maintenant connu d'un peu partout aux États-Unis, surtout dans les 6 derniers mois à 1 an. Où ce que quand tu fabriques un stade, mais il est pas juste utilisé par l'équipe professionnelle, mais il est utilisé par l'ensemble de la communauté. Cette année à Québec, là, les Capitales vont utiliser seulement 12% de l'occupation totale du stade. Okay. Le reste du temps, c'est programme sport-études, c'est le baseball mineur de 7 ans jusqu'à 25 ans, c'est le softball, c'est le baseball senior. Donc, il est occupé 3600 heures, puis le baseball professionnel va l'occuper à peu près 400 heures sur ces 3600-là. Mmh. Et c'est ce nouveau modèle-là qui peut intéresser un politicien, qui peut intéresser une ville. Donc oui, on aime avoir la visibilité que crée une équipe sportive. Comme les Capitales, l'an prochain, vont voyager quand même dans 13 différentes villes, dont 10 dans le Midwest américain. C'est pas rien, sauf que c'est peut-être pas assez pour justifier la dépense d'un stade de 30-40 millions, sauf que si ce stade-là sert à l'ensemble de la communauté, écoute, ça devient complètement un autre argument. Et moi, je pense que la rive sud de Montréal, la rive nord, serait incroyable pour ça. Puis, nonobstant d'avoir une équipe de baseball majeur, c'est donc, pas le même marché. Puis le baseball majeur sur l'île de Montréal n'aidera pas de façon directe au développement du baseball mineur au Québec. Je veux dire, de façon indirecte, par la visibilité qu'amène le baseball majeur, ça va avoir un impact. Mais de façon directe, c'est pas vrai qu'on prend les infrastructures d'un stade majeur, puis on dit aux jeunes quand l'équipe est sur la route, venez jouer sur ce terrain-là, venez vous amuser, puis profitez-en, ça se fait presque pas. Donc, c'est deux marchés qui sont complètement, complètement différents. Puis, est-ce que tu peux habiter les deux complètement? Tu peux avoir au centre-ville de Montréal une équipe du baseball majeur, puis tu vas avoir une équipe à Laval ou tu vas avoir une équipe de la Rive-Sud. Et c'est pas vrai que le gars de la Rive-Sud ou celui de la Rive-Nord va prendre son char trois fois par semaine pour aller voir les expos au centre-ville, se stationner, prendre dans le trafic, payer 100 piastres du billet, payer 12 piastres la bière, c'est pas vrai. Donc, de temps en temps, on vire à gauche à une dépense de 300 piastres, puis de temps en temps, on vire à droite pour une dépense de 15 piastres. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la Ligue Frontière, il regarde du côté de Montréal, dans la région de Montréal. Ben, oui, on peut dire que Montréal, il y a certains hommes d'affaires de Montréal qui posent des questions depuis un bout de temps, depuis déjà 2-3 ans, mais ils se posent encore plus de questions dernièrement, mettons. OK. En terminant, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les capitales de Québec à la télévision. Est-ce que là, l'an prochain, avec 13 équipes, je sais que ça coûte cher avoir des matchs à la télévision, on parle de 25 000 $ par match. Mais, tu sais, les médias ont besoin de contenu. Est-ce que des matchs, sans la Ligue Frontière, ça pourrait être intéressant pour une dizaine de matchs au moins des capitales? Ou des capitales ou des aigles? Est-ce que c'est dans les cartons? Je suis complètement en accord avec toi. J'y crois, moi aussi. Peut-être un match par semaine de la Ligue Canam. Ouais. Que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Québec, peut-être après le 10-12 juin, après les séries de la Coupe Stanley, après le Grand Prix de Montréal, il y a vraiment un trou dans l'horaire. Comme on dit, il faut que ce soit abordable. À 25 000 $ par réalisation, c'est presque impossible à faire. L'an passé, nous, on a augmenté à une troisième caméra. À partir de Chansonte, on a eu d'excellents commentaires. Ouais. Est-ce que si on en ajoute une, puis on investit encore un petit peu là-dedans, on est capable de produire à moins cher avec un produit qui serait correct? On garde ça, mais c'est sûr que c'est aux gens, je pense, d'en faire la demande, d'écrire soit à TVA, soit à RDS, peu importe, puis de manifester un intérêt, c'est peut-être ce qui va faire bouger les choses. Okay. Ben Michel, très intéressant toujours. J'ai bien hâte de voir cette Ligue Frontier-là. Et au plaisir de se reparler. J'ai l'impression qu'on va se parler une couple de fois d'ici le début de la saison. Tu te gênes pas. Le président des Capitales de Québec, Michel Laplante.